Moi j'avais 10 ans, notre pauvre père pour acheter ce pur sang avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il l'avait dans la tête d'en faire un grand champion pour liquider nos dettes et payer la maison. Et pour être à sa chance, il engage un football par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père, que ce football va gagner. Mais après la rivière, est tombé quand le vétérinaire d'un seul coup la cheval. J'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Il s'appelait Stubol, c'était un cheval blanc, il était mon idole. Moi j'avais 10 ans, il s'appelait Stubol, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Pour la fois.